Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour les cinéphages et bienvenue dans un spécial Mauvais Tour Festival de l'Imaginaire numéro 2, puisqu'on avait déjà fait, lors de notre précédente émission, un petit peu une présentation de cette seconde édition. Et là, on va revenir un petit peu sur quelques réalisateurs et quelques films plutôt horreur et fantastique qu'on n'avait pas évoqué, puisqu'on a eu la chance d'avoir une interview avec des réalisateurs, donc toujours aussi sympa. On a parlé de tout un tas de choses. On avait vu qu'on a vu Alexandre Aja, mais pas que. Derrière, il y a plein de gens. On avait un petit peu succinctement parlé des films, et là on va revenir un petit peu sur les interviews de ces quelques réalisateurs. Cette année, c'était tellement riche entre les masterclass et puis les films compétition et hors compétition, qu'on était obligé de faire deux émissions pour notre plus grand plaisir, hein, puisque c'était vraiment sympathique. Et puis, on a vu que ça a été partagé par de nombreux festivaliers. Et puis, l'avantage, c'est que ce n'est pas seulement des gens qui aiment ce genre. Il y a des gens qui viennent en découverte, comme on a pu le voir lors de notre précédent cinéphage. Donc, le duo de programmateurs Nicolas Martin et Simon Rio et toute l'équipe de bénévoles nous ont permis, il faut encore le souligner, de passer un excellent festival et justement d'avoir accès un petit peu à toutes ces interviews qui seraient assez difficiles d'habitude d'avoir dans d'autres festivals. On peut avoir des accréditations, mais c'est beaucoup plus compliqué, alors que là, il y a la sympathie aussi bien de l'équipe que des festivaliers, des réalisateurs. Ça, faut bien appuyer dessus. Et vous verrez, si vous avez l'occasion d'aller à ce festival, vous vous sentez comme dans une grande famille, puisque les gens discutent entre eux des films, après le film, pendant, et pas pendant, mais surtout après. Mais les réactions, c'est assez sympa. Et tout d'abord, on va commencer ce cinéphage Mauvais Tour par une interview, celle de Mathias Averti, le sympathique réalisateur du film de clôture du festival Que ton règne vienne, un très intéressant film documentaire sur le phénomène du satanisme en France, un film bien documenté, très loin des clichés souvent empruntés par des journalistes en recherche plutôt de sensationnel. Eh bien, toujours au festival Mauvais Tour, là c'est la dernière journée, et puis aujourd'hui on a la chance d'accueillir le réalisateur du film qui fera la clôture du festival. Bonjour Mathias. Bonjour, merci de me recevoir. Donc est-ce que tu peux te présenter succinctement, présenter un peu ce que tu as fait, tes goûts un petit peu au niveau ciné, et puis nous expliquer comment tu es arrivé sur Mauvais Tour. Moi, je fais partie d'un collectif de réalisateurs nantais qui s'appelle Les Furtifs. Dans nos films, on essaye de défendre un cinéma fantastique, inspiré de la littérature fantastique et du cinéma fantastique. Et on essaye de développer de créer tout un imaginaire. Et puis, en même temps, on est très influencé par beaucoup de groupes de métal avec lesquels on travaille. Et donc là, ce soir, on présente Que ton règne vienne, qui est du coup un documentaire sur l'histoire du satanisme en France. J'ai eu l'idée de faire ce film parce que j'ai rencontré une bande de satanistes marseillais qui ont à peu près mon âge, qui sont des trentenaires et qui du coup font des messes noires 4 fois par an au fond des grottes de Marseille. Donc c'est des messes noires assez impressionnantes avec beaucoup de substances bizarres, des cris, des hurlements, des invocations magiques. Et quand je suis rentré dans la grotte avec eux pour faire une messe noire, justement, j'ai eu l'idée et l'envie de faire ce film parce que je trouve leur aventure assez épique et assez originale. Et je trouvais important de pouvoir la raconter et d'en faire un film, quoi. Qui a toute sa place à Mauvais Tour. En effet, c'est vraiment un festival de genre, on ne peut pas tomber mieux. Oui, exactement, et je pense même que le satanisme est quelque chose de très français, finalement. Quand on replonge dans l'histoire de l'occultisme et du satanisme, on se rend compte que Paris en était la capitale au début du siècle dernier, fin 19e. Il y avait des combats de magiciens dans Paris, il y avait Huysmans qui racontait toute l'histoire du satanisme depuis Gilles de Rais dans le livre « Là-bas ». Il y avait tous les poètes maudits qui parlaient énormément de... qui voyaient Satan comme une figure de, d'émancipation et de liberté. Et puis il y avait Victor Hugo qui faisait du spiritisme pour essayer de parler à sa fille, donc la, qui était décédée. Donc la frontière entre la réalité et le monde des morts et le monde de l'imaginaire était vraiment très fine à cette époque-là. Et je pense que ça devait être une période vraiment fascinante historiquement. Et j'aimerais bien, j'aurais bien aimé pouvoir... y assister de mes yeux. J'aurais aimé avoir une machine à remonter le temps pour pouvoir aller se balader, pour voir comment ça se passait. Exactement. Et puis, comme tu dis, la France, c'est vraiment un terreau entre le paganisme et le christianisme. Il y a toujours cette dualité. Et on peut voir, bah, on a eu les procès pour sorcières, on a eu les empoisonneuses, on a plein de choses qui... des sacrifices d'enfants, je pensais justement aux empoisonneuses, où il y avait eu même des maîtresses royales qui étaient dans le coup, on peut dire. Exactement, ouais, ben, on a fait, en parallèle du film, on a fait une série qui retrace justement toutes ces petites traces de satanisme dans l'histoire par le biais de personnages historiques comme justement Madame de Montespan ou encore Gilles de Rais ou tout ça, qui est une série visible sur la plateforme de VOD The Pit. Et donc dans le documentaire Que ton règne vienne qu'on présente ce soir, on essaye de raconter comment la figure de Satan a évolué à travers les âges. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'en entendre parler aux États-Unis parce que tous les psychopathes ou les serial killers se réclament de Satan. On en entend beaucoup parler aussi dans le folk horror et le folklore aussi anglo-saxon, mais on en entend beaucoup moins parler au pays de Descartes et au pays des Lumières, parce qu'on a quand même une tradition mainstream qui est de d'étouffer toutes sortes d'ésotérismes, alors que vraiment on a un riche terreau à explorer là-dessus et qu'il est important de remettre un petit peu au goût du jour, parce que Satan défend aussi des valeurs très intéressantes de liberté, d'émancipation, de remise en cause du pouvoir établi, et je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir se replonger là-dessus, quoi. Hier, tu étais dans la salle avec moi pour voir Hérésie, justement, un film qui traite... Et on peut voir aussi que les civilisations nordiques sont aussi beaucoup plus ancrées dans leur histoire, bon, avec les Vikings, les sacrifices humains, les choses comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Ben, j'ai bien aimé le fait que ce soit court et efficace, et j'ai adoré la manière dont ils ont représenté la vie en Scandinavie à cette époque-là. Je crois que le film est danois, mais je suis pas sûr. Et on a vraiment un village sombre où tout le monde est replié sur lui-même, et ça, j'ai trouvé ça bien plus réussi que dans The Witch, qui est vraiment trop vide parfois comme film. Mais j'ai trouvé les images de The Witch quand même plus pertinentes que celles d'Hérésie, et je pense que je comprends qu'elles fassent plus date que celles d'Hérésie. Parce que c'est vrai qu'Hérésie, il y a peut-être un peu il y a un côté très intéressant, un peu trip chamanique et tout ça, mais les images sont peut-être moins impactantes. Je me rappelais moins à la sortie du film qu'après The Witch, quoi, par exemple. On a parlé musique tout à l'heure, donc dans ton film tu as dit que tu étais fan de musique bien trash, on peut dire. Est-ce que tu as mis dans ton film ce genre de musique ? Oui, tout à fait. Donc, comme je viens de Nantes, donc la ville de Jules Verne, du surréalisme et aussi du Hellfest, je porte un peu ces thématiques nantaises avec moi. Et du coup, ouais, y a forcément tout un rapport avec la musique métal, évidemment. Et dans le film, on a en effet une bande-son 100% française, avec beaucoup de groupes comme Alceste, Limb, Year of No Light, Mutterline, Kem Crude, beaucoup de choses, beaucoup de black metal, de rituels ambiants, de musique un peu black satanique aussi, voilà. Et il y a deux compositeurs qui ont créé aussi des morceaux spécialement pour le film. Il s'agit de Guillaume Gallo qui a le groupe Limb et de Marion Leclerc qui a le groupe Mutterline. Et ils ont fait des morceaux vraiment super intéressants qui aident vraiment à rehausser encore l'aspect fantastique du film, quoi. Et comment es-tu arrivé sur le festival Mauvais Tour ? Eh ben, on a postulé tout simplement. On avait vu que... moi, j'écoute le podcast réalisé sans trucage avec Simon et Nicolas. Et j'entendais beaucoup Nicolas dire gloire à Satan. Donc je me dis, bon, ça va peut-être lui parler si je lui envoie un film où tout le monde dit gloire à Satan toutes les deux minutes. Donc, et en effet, ils ont sélectionné le film. Donc je suis super ravi, super heureux. Et du coup, c'est la première officielle en France. Je suis vraiment super honoré d'être là et on est vraiment très très content avec toute l'équipe de pouvoir participer à ce festival qui en plus c'est super sympa, il y a une super ambiance et les gens sont très drôles. Et si on veut retrouver un petit peu ce que tu fais, on peut te retrouver où ? Eh ben, vous pouvez retrouver tout mon travail sur le site web de Les Furtifs, donc, qui est le nom de notre collectif, inspiré du roman d'Alain Damasio du même nom. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de documentaires, de clips, de courts-métrages aussi. Et puis on poste tout ça sur Instagram et sur YouTube très souvent. Et le film Que ton règne vienne, lui, sera disponible en VOD plutôt en 2026, le temps de finir sa tournée de festival, bien sûr. Bon, quoi de mieux que te souhaiter une bonne fin de festival et puis plein de films. Et puis te retrouver peut-être en compétition une des années à venir sur Mauvais Tour. Tout à fait. Bon, on est déjà super content d'être en film de clôture. Je trouve que ce qu'on a fait, c'est vraiment un documentaire et un film un peu mutant et hybride. Donc pour moi, il n'a même pas forcément sa place en compétition. C'est plus un film presque de patrimoine dans le sens où il est là pour éclairer aussi une partie de l'histoire française et en même temps... donner un point de vue sociologique sur une certaine partie de la population qui sont les métalleux et les satanistes et les gens un peu en quête de transcendance. Et donc finalement c'est quelque chose qu'on est super content de voir déjà programmé dans un festival, c'est déjà super quoi. Et c'est vrai qu'à l'avenir, pourquoi pas faire des films de fiction oui, aux compétitions bien sûr. Sachant que Neon People, un des films, est un documentaire. Oui, donc c'est pour ça que je te posais la question, oui, parce que... Pourquoi pas être en compétition, hein. Même avec un doc ici, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un choix de films très éclectique. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est le docu que j'aurais bien aimé voir, ouais, Neon People. Mais je me vengerai sur Internet. Et pour terminer, tu peux donner un petit mot aux auditeurs de Radioactive pour donner l'envie de venir dans les festivals, que ce soit de musique ou de cinéma, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu... en ce moment, après le Covid, c'était dur de lancer. En plus, on a des mesures financières où les radios associatives, les festivals, pour être aidés, c'est de plus en plus dur. Est-ce que tu as un petit mot là-dessus ? C'est super important de venir soutenir la culture en action et en chair et en os, plutôt que de toujours tout regarder en VOD. C'est bien de se redéplacer dans les salles. Il y a quand même une ambiance qui est plus intéressante pour les films, surtout quand les films proposent une expérience audiovisuelle intéressante, tu vois, comme Sirat dernièrement, c'est quand même mille fois mieux de le voir en salle. Et puis c'est quand même cool de rencontrer des gens et de partager des frissons ou des rires avec quelqu'un, quoi. Bien, Mathias, te remercie et puis bonne fin de festival. Merci. Et puis bonne chance pour ton film. Merci beaucoup, merci pour l'interview. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale avec la bande originale du film Remorse, qui était l'année dernière en compétition, avec le morceau Dark Surprise de Alan Hawkshaw. Eh bien, retour au film Que ton règne vienne avec Corentin, le co-réalisateur du film, qui nous donne à son tour son ressenti du film et puis quelques petits détails. C'est intéressant puisqu'on voit une certaine complicité avec Mathias, tous les deux. Vous allez voir que c'est des gens qui n'étaient pas forcément dans ce milieu sataniste et qui sont un petit peu comme nous, qui découvrent. Et puis, bien sympathique de voir que ces gens ont eu un peu aussi la trouille en tournant ce documentaire. Parce qu'il faut préciser, oui, que c'est un documentaire. Et comme on le verra à la suite, vous verrez que les documentaires, bah, ça fait vraiment partie de la compétition et ça peut avoir des prix. Je dis ça, mais je dis rien. Toujours en direct du Festival Mauvais Tour, eh bien, je suis avec quelqu'un qui a quelque chose à faire avec le film de ce soir. Bonjour, moi je m'appelle Corentin Chib, je suis réalisateur photographe et j'ai travaillé sur le film Que ton règne vienne, réalisé par Mathias Averti. Mathias, qu'on a aussi interviewé, et c'est lui qui nous a dit « Tiens, j'ai quelqu'un qui pourrait t'intéresser pour discuter ». C'est ça, donc j'ai travaillé sur le film en tant qu'assistant réal, monteur-cadreur, aussi un peu producteur. Donc voilà, on est très content de présenter ce film-là au Festival Mauvais Tour. Comment tu es arrivé, toi, sur le film ? Alors, avec Mathias, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble sur de la réalisation de films, de clips et de documentaires. Mathias avait depuis longtemps le projet de s'intéresser à un documentaire qui traite du sujet du satanisme en France, notamment de par les livres qu'il a pu lire sur ce sujet, les rencontres qu'il a pu faire. Et courant 2023, début 2023, il m'a proposé de participer à ce projet. Qui s'est construit petit à petit jusqu'à un tournage qui s'est réalisé sur la deuxième moitié de 2023. Et moi, tout le sujet dont traite le film, à savoir Satan et plus particulièrement le satanisme en France, c'est des choses que je connaissais absolument pas. Moi, je me suis très peu renseigné sur le sujet et j'ai lu beaucoup moins de livres que Mathias là-dessus. Mais par contre, ça m'a tout de suite très intéressé de me plonger dans des univers et des communautés qu'on pourrait définir comme alternative, même si c'est un mot peut-être un peu bizarre à définir, et surtout de dresser un peu cette galerie de portraits de personnages un peu atypiques et hauts en couleur qui ont des croyances et des modes de vie qu'on avait envie de décrypter et de comprendre, et de dépeindre un peu cette grande fresque humaine dans ce film. Et toi, tes goûts cinématographiques au départ, c'est plutôt quoi ? Ça dépend des jours. Moi, je pense qu'avec Mathias, on a ce trait commun de se dire que le meilleur film du monde, ça restera Le Seigneur des Anneaux. Mais plus sérieusement, écoute, tout ce qui va être tout le cinéma de David Lynch, Tarkovsky évidemment, plus récemment quand même Denis Villeneuve, c'est des choses auxquelles on revient beaucoup. Moi, j'ai une petite tendresse quand même pour toute la réalisation des clips musicaux. Et c'est vrai que des profils comme Romain Gavras qui se sont fait un peu leurs armes dans la réalisation de clips avant de passer à des formats long métrage, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc voilà, mais on partage avec Mathias et notre collectif qui s'appelle Les Furtifs beaucoup d'atomes crochus en termes de références cinématographiques. Et là, tu es arrivé depuis hier sur le festival. Qu'est-ce que tu penses du festival Mauvais Tour ? Écoute, moi je le découvre que très récemment. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu l'occasion de voir des films hier. Donc le premier que je viens de voir, c'était Que ma volonté soit faite, que je trouve hyper intéressant dans sa forme et dans son fond. Et je trouve l'accueil du festival super. C'est très chaleureux et on rigole bien, j'ai l'impression aussi, ce qui fait très plaisir. Donc ouais, très, très content, très honoré et puis très hâte surtout de présenter le film ce soir. De notre côté, on est encore au début du cycle de diffusion du film dans sa tournée d'avant-première de festival. Donc on est encore dans les premiers retours et on est très excité et très curieux de pouvoir dialoguer avec le public là-dessus justement. Alors justement, comment le film a été reçu ? Vous avez déjà fait des festivals avant, discuté avec le public, je pense, ça va eu des retours. Alors, comment est reçu pour l'instant le film ? Il y a des réactions très différentes. Alors, dans l'ensemble, ça reste très bienveillant et assez encourageant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on parle de Satan, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà fait un peu une idée préconçue de ce que c'est, et on se rend compte que toute la pop culture, les films d'horreur ont quand même nourri cette image-là de manière assez sensationnaliste ces dernières années, et quand les gens veulent voir un documentaire sur Satan, ils s'attendent à des choses parfois très extrêmes, quelque chose qu'on ne peut pas montrer et tout. Alors qu'en France, justement, c'est quand même relié à des courants artistiques et littéraires, pas plus particulièrement sur le romantisme noir, assez ancré, donc ce dont parle un peu le film. Et du coup, on traite d'un sujet qui n'a pas forcément été, je crois, beaucoup montré au cinéma, en tout cas sur ce qui se passe en France. Et du coup, les gens sont globalement curieux. Et on a eu des très très bons retours qui font très plaisir de se dire, moi je m'attendais pas forcément à ça, mais c'est intéressant la manière dont vous montrez ce sujet-là. D'autres qui sont presque parfois un peu surpris, voire un peu déçus, parce que je pense qu'ils s'étaient fait une idée complètement différente de ce qu'on leur montre. Mais voilà, on est très contents de toutes ces discussions-là qu'on a et qui prêtent aussi un peu à débat, parce qu'évidemment... des choses qu'on n'a pas pu montrer dans le documentaire, et c'est pour ça aussi qu'on a hâte de pouvoir continuer ces discussions-là après le film. Eh bien, je te remercie. Et puis, dernier petit mot, que dirais-tu aux gens pour qu'ils arrivent voir le film ? Que on l'a vraiment vécu comme une expérience humaine très très très forte. On va pas vous cacher qu'il y a des moments où on a eu réellement peur pour nos vies dans le tournage de ce film-là, et qu'on a vraiment essayé de retransmettre cette expérience-là la manière la plus fidèle possible. Et que pour comprendre cette expérience-là, finalement, le meilleur médium, ça reste quand même d'aller au cinéma pour le vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc venez voir le film au cinéma, on sera très content d'être avec vous. Eh bien, merci à toi, et puis longue vie au film. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose d'écouter maintenant la bande originale du film Good Boy, donc un des films qui a été vraiment plébiscité lors de ce festival. Et donc, c'est le trailer theme, donc le film de Sam Bose-Miller. Donc, vous allez pouvoir écouter la musique et flipper avec le petit toutou. Et maintenant, je vous propose l'interview de Julia Kowalski, la réalisatrice du film Que ma volonté soit faite, qui nous parle un peu du tournage de son film juste après la projection du film. Donc, c'était vraiment sympathique. Hein. On a pu discuter dans la salle avec elle. Après, malheureusement, elle a été obligée de partir, comme elle nous disait, à la fin. Elle n'a pas vu tous les courts-métrages, parce qu'il y avait aussi une compétition de courts-métrages qui était très sympathique et qui était aussi pour certains films en relation avec le thème d'aujourd'hui, hein, le satanisme, les exorcismes et tout. Donc c'était vraiment sympathique. Et donc, comme vous pourrez le voir dans cette interview, c'est quelqu'un qui est cash. Hein, ça fait plaisir aussi de tous les personnes qui sont là ont été très sympathiques. Mais elle est vraiment, vraiment amusante dans sa façon d'aborder. Et vraiment, ça fait plaisir de voir des gens communicatifs et vendre bien leurs films comme elle. tout simplement, quel est ton lien, ton rapport avec cette histoire et avec ces personnages? Parce que ce qu'on sent, me semble-t-il, de manière évidente quand on découvre le film, c'est qu'on n'a pas envie de... Enfin, on n'en vient pas à raconter cette histoire, ces personnages dans ce décor-là, sans avoir un lien, une connexion, qu'il soit de nature affective, intellectuelle ou personnelle avec eux. Et je voulais te demander ça. Bon, alors, il y en a beaucoup, beaucoup des liens. Donc, c'est pas un film autobiographique. Déjà, oui, c'est le premier truc à préciser. J'ai pas vécu tout ce que vit Navojka, mais effectivement, en fait, moi, je suis née en France, mais de deux parents polonais. Enfin, donc, j'ai grandi dans une famille polonaise en France, donc un peu la même configuration que celle de Nav, avec deux grands frères. Alors, j'ai pas grandi vraiment à la campagne. Donc, c'est une version un peu transfigurée, un peu totalement métaphorique de ma vie et de mon histoire d'immigration. Parce que quand j'étais petite, évidemment, il y avait toute cette histoire d'intégration. Et pour moi, c'était un peu... j'avais un peu honte de mes origines polonaises, enfin de mon père qui jouait un peu tout le temps le... Donc il y avait le bon immigré, le mauvais immigré, enfin bref, tout plein de choses qui sont des sujets ultra d'actualité, je pense, et donc que j'ai abordé sous mon prisme à moi. Et puis, effectivement... L'autre gros point, peut-être que je parle trop déjà, mais c'est oh donc... Oh non, je t'assure, tout va bien, au contraire. En tout cas, c'est donc l'autre, peut-être, point d'entrée du film, c'était qu'est-ce que c'est être une femme et la quête de féminité que j'ai longtemps cherchée. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas de réponse, je ne sais pas ce que c'est être une femme. Donc, c'est un grand, vaste sujet. Et donc, évidemment, qui était le point de départ de donc, la sorcière comme étant... Enfin voilà, une femme libre et indépendante qui s'attire les foudres parce qu'elle n'est pas exactement tout plein de choses. Enfin voilà, et qui est aussi un peu ma mère, moi. Enfin bon, bref, tout ça est un grand marasme de ma vie, en gros. Enfin pour résumer. Et alors, ici, on a toujours à cœur de parler, bien sûr, du contenu des films, de leur message, de leur sens. Mais j'aime toujours bien partir de la matérialité de comment on les fait. Tu me disais que vous l'avez fait pour ce qu'on appelle un budget modeste, 1 million d'euros. Encore une fois, 1 million d'euros, on aimerait tous l'avoir sur notre compte, mais c'est à peu près 4,5 fois moins qu'un budget moyen en France. Ouais, c'est vraiment ultra ric-rac, en fait. Enfin, oui. Voilà, enfin, mais c'est souvent comme ça qu'on fait des films de nos jours. Et voilà, mais alors, comme tu as un film qui est très stylisé, ou quand bien même on est dans la ruralité, dans une ruralité qui se veut réaliste, sinon naturaliste pendant un temps, c'est un film qui est très stylisé. Comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on fait, comment on organise un tournage avec 1 million d'euros pour que ça ait quand même cette gueule-là? Alors déjà, donc il y a l'équipe qui est... donc en fait faire un film c'est un travail d'équipe forcément, donc je remercie encore 1000 fois non-stop mon équipe parce que mon équipe est ultra précieuse et que c'est comme ma famille, donc en fait c'est vraiment bien s'entourer de gens qui sont d'une part ultra compétents et aussi avec qui on a des liens très proches qui fait que en fait moi j'aime bien travailler en toute petite équipe. On n'était pas nombreux sur le plateau, on était environ 12. Donc il y a beaucoup de monde dans le générique, mais c'est des gens qui sont un peu plus loin, ou des histoires de copro, ou des... Bref, en tout cas, sur le plateau, de manière effective, on était très peu nombreux. Et aussi, donc, on a tourné en 16 mm, donc ça, c'est un autre... Et alors, je me permets juste de faire une petite parenthèse. 12 personnes sur une équipe, je parle sous ton contrôle, mais disons que dans un film, et je ne parle pas d'une super production, hein, mais un film moyen en termes de budget, on va plutôt avoir des équipes qui tournent autour de 40-50 d'habitude pour vous donner un ordre de grandeur. C'est-à-dire que 12, pareil, quand c'est dans votre salon, ça fait beaucoup de monde. Quand c'est sur un plateau, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment pas nombreux, et ça permet en fait d'avoir des rapports ultra simples et directs, et avec effectivement des gens qui parfois cumulent 2 postes. Donc c'est à la fois ultra sport, et en même temps, ça permet une espèce en fait, comme les 12 en question, je les connais tous très très très très bien, et que c'est vraiment des grands amis avec qui on a fait plein de films. Enfin, en fait, il y a une certaine rapidité dans la façon de travailler ensemble. On se connaît très bien, et en même temps, ça fait aussi que moi, en tant que réalisatrice, j'aide à démonter les rails de travelling en fin de journée. Je porte les projecteurs. On travaille tous ensemble. Ouais, voilà. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien, en fait. Enfin, je trouve ça ultra humain. C'est un peu un mot galvaudé, mais enfin, c'est vrai. C'est saut années 80. Voilà, c'est bien de le dire, ouais. Et alors, tu évoquais le 16 mm. Donc, le 16 mm, ça veut dire un tournage en pellicule. Et pareil, un truc qu'on oublie souvent, ou qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus. Quand vous tournez en numérique, ma foi, tant qu'il y a de la batterie et du courant quelque part, et de la place sur votre carte mémoire, vous tournez. Le principe de la pellicule, c'est que de la pellicule, on n'en a pas sur 900 km. Et donc, à la fin de la bobine, une bobine, c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes? 12 minutes. Et donc, toutes les 12 minutes, il faut s'interrompre, aller avec ce qu'on appelle un changing bag, parce que c'est la pellicule, si vous l'impressionnez, si vous la mettez au contact... À la lumière du jour. Il n'y a plus de film. Donc c'est tout un processus qui structure un peu un tournage. Est-ce que... Enfin, moi je connais la réponse, mais je la pose pour les gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait? Et pourquoi? Du coup, parce que... En fait, c'est vraiment magique. Alors donc oui, je l'avais déjà fait, et j'avais aussi tourné donc, mon premier long métrage en numérique. Et j'avais adoré tourner en numérique, enfin, c'est pas la question, mais effectivement, c'est pas du tout pareil. En fait, il y a plusieurs choses. Alors déjà, pour la config du tournage, tourner en pellicule, ça implique donc effectivement plein de trucs à la fois plus stricts et plus magiques. Enfin, c'est un peu bizarre, ces deux choses qui vont pas ensemble, mais il y a un truc, on sait pas exactement ce qu'on va avoir au final sur la pellicule d'imprimé, parce qu'on a sur le plateau ce qu'on appelle un combo, donc un retour de ce qu'on filme, mais qui est pas exactement, parce que c'est... Bon, je vais pas rentrer dans des trucs très techniques, mais... La composition du cadre. Ouais, c'est un clapet dans la caméra qui oriente un miroir un coup sur le combo, un coup sur la... Donc, en gros, ça veut dire qu'une image sur deux... Enfin, on ne voit pas l'image. Bref, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, comme la pellicule, c'est une réaction chimique, il y a quand même toujours une part de mystère et de découverte et de magie sur ce, sur ce que ça va finalement donner. Complètement. Et après, il se trouve que j'ai, en toute objectivité, le meilleur chef-op de la Terre. Non, enfin, en tout cas, quelqu'un de très, très, très compétent à l'image. Et donc, j'ai toute confiance en lui. Donc, je sais qu'il ne va pas faire des grosses conneries et qu'on n'aura pas d'image. Et en revanche, effectivement, ça arrive parfois qu'il y ait des gros poils, donc des petits choses qui s'amalgament de saleté sur la pellicule. Et moi, je trouve ça super charmant, en fait. Enfin, moi, j'aime plutôt bien ça. C'est vivant, quoi. Et c'est vivant. Et en fait, comme le film, donc ça, c'est... Enfin, voilà, le film, si vous voulez, très organique et très... un film plein de matière, donc de boue, de sang, de gelée, de tout plein de choses qu'on peut... Enfin, ça, on peut en parler longtemps aussi. Mais en tout cas, le choix de la pellicule participait aussi de ce grain, de ce côté un peu aspérité, granuleux, que je trouvais vraiment hyper important pour le film. Je voulais aussi te poser la question. Comment est-ce qu'on fait le casting de son décor? Parce que il y a un truc qui me frappe dans le film, c'est qu'on démarre donc dans ce jus très réaliste, très naturaliste. Tu vois, moi quand je suis là, j'ai aucun doute que ces décors existent. Et au fur et à mesure qu'avance le film et sa stylisation, ils deviennent aussi stylisés. Est-ce que tu les habilles par la lumière? Est-ce qu'en fait tu triches en ayant plusieurs décors? Est-ce que tu peux nous le dire? Ouais, bien sûr. Voilà. Alors donc, en fait, effectivement, donc, quand on parlait de comment faire un film avec un tout petit budget, donc le choix du décor est vraiment primordial et donc... J'ai visité, je crois, 63 exploitations agricoles pour choisir celle-ci. Et donc plusieurs pas loin de Tours. C'est marrant parce que on était donc aidés par la région des Pays de la Loire. Donc, enfin voilà. Et donc, pour finalement choisir d'ailleurs une ferme que j'ai visitée le premier jour. C'est assez drôle, mais c'est souvent comme ça. Mais bon, moi, j'ai besoin de faire tout le tour. Donc, évidemment, donc, la ferme existe réellement. Donc aussi, c'était presque comme un casting de la famille des agriculteurs qui travaillaient dans cette exploitation, parce qu'en fait, ils sont très vite devenus membres de l'équipe, clairement. Enfin, ils ont été complètement avec nous sur toutes les étapes, notamment avec les animaux. Ça, on va, je pense, en parler longuement. Il y a des choses à dire. Mais en tout cas, donc, c'est devenu vraiment comme des membres de l'équipe. Donc parmi les 12, je dirais que Bernard, il était le 13e, quoi, enfin, ou le 12e, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est intégré dans la famille, enfin, c'est presque devenu le prolongement de cette équipe qui existait. Bref, on s'appelle hyper souvent, encore maintenant. Enfin, voilà, c'est... Et donc, effectivement, après, j'ai une chef déco qui a un peu transformé les décors. Donc, par exemple, la maison de Sandra, elle n'était pas verte. Et elle était même... donc, elle existait exactement à cet emplacement, mais on a modifié la façade de façon à enlever des fenêtres, parce qu'il y avait plus de fenêtres. En fait, c'était une maison, mais qui était grise et qui paraissait un peu plus, plus immeuble. Enfin, elle avait pas mal de fenêtres et donc on voulait la réduire en impression. Donc, on a construit une façade. Et puis, en plus, de toute façon, comme il fallait à la fin la brûler, ben, on n'allait pas brûler une vraie maison, on ne pouvait pas se permettre. Surprise! Évidemment, on crame le décor avant de partir. Surprise! Allez, salut, bisous, on vous enverra des cartes postales. Non, c'était pas, évidemment pas possible. Donc c'était comme un pan de décor appliqué sur la façade d'une maison existante. Mais en revanche, les intérieurs étaient tels quels, donc assez dans leur jus. Et pour la maison de Nave, donc on a peint l'intérieur, enfin on a un peu modifié des... Donc c'était une maison qui n'était pas habitée, donc par exemple, on a pu se permettre de péter une cloison. Et on a refait après, à la fin, la maison en mieux, enfin l'identique en mieux, enfin je veux dire plus rénové. Donc c'était une façon pour les gens qui nous la louaient en fait de la faire rénover quoi. Voilà, c'était et donc voilà, donc le décor effectivement était modifié en fonction. Je passe du coq à l'âne, mais c'est ainsi. Moi, je suis aussi très curieux. Alors là, c'est peut-être plus une question d'écriture ou pas, d'ailleurs, parce que l'écriture, ça peut aussi se faire au tournage. Mais le personnage de Nav, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est compliqué d'avoir un personnage mutique, un personnage ambigu. Bah, parce qu'on est toujours dans le risque de la sous-écriture ou de la sur-écriture. Elle est profondément mystérieuse. En tout cas, pour moi, spectateur, je la trouve profondément mystérieuse. Il y a longtemps, un doute sur ses motivations, sur ce qui la traverse. Et je voulais savoir, voilà, à quel moment tu avais composé ça, comment vous aviez fait pour l'équilibrer, est-ce que ça s'est fait à l'écriture, puis au tournage, j'imagine forcément avec son interprète, bien sûr. Mais voilà, j'étais très curieux de t'entendre sur comment on compose un personnage comme ça. Alors déjà, j'ai eu la chance d'avoir Maria Vroubel, donc l'actrice qui joue Nav, elle est juste incroyable, exceptionnelle, dingue, hyper pro, hyper chouette, et assez folle pour me suivre partout, enfin, on va dire. En tout cas, c'était une chance de la rencontrer, déjà, ça c'est... C'était énorme. Et après, effectivement, le personnage était... moi, j'avais très, très envie d'avoir une ambiguïté sur ce qu'elle pense de Sandra, ce qu'elle veut de Sandra. Donc, parce qu'en fait, tout ça est très... Donc, dès l'écriture... Très ambigu pour elle. Ouais, exactement. Dès l'écriture, il devait y avoir et du désir sexuel et une forme de projection de... donc, comme une figure de liberté totale en Sandra et aussi peut-être une figure presque maternelle qui serait l'image de sa mère... dont on ne sait pas tout. Enfin, en fait, pour moi, c'était ultra important, dès l'écriture, de ne pas tout expliquer aussi. Ça, c'était vraiment un point très compliqué à défendre dans les commissions de financement du cinéma, parce que souvent, on te demande d'avoir un scénario hyper explicatif où tu sais tout de la backstory des personnages. Tout sert à quelque chose. Tout sert à quelque chose. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le plus important dans ce film, et je crois d'ailleurs souvent au cinéma, c'est de laisser une grande part de liberté au spectateur qui peut projeter ce qu'il veut, et qui ne doit pas être juste passif, mais qui peut être un peu plus actif et se poser lui-même des questions et se faire son propre récit, même si moi, je sais évidemment tout ce que j'avais... Enfin, je veux dire, j'avais des idées en tête, mais je n'avais pas envie de les donner toutes de manière hyper... par exemple, donc, au scénario, dans les différentes versions d'écriture, il y avait beaucoup plus d'explications sur ce que faisait une famille polonaise en France, dans cette campagne, ou le passé de Sandra avec son ex, donc, dont on sait que quelques petits trucs, là, a priori. Mais je pense que chacun peut l'imaginer. Combler les trous, en fait. Et combler les trous. Et c'est ça que je trouvais important. Et donc, au montage, en fait, on n'a fait que couper des dialogues qui étaient un peu explicatifs. On n'a pas enlevé des scènes parce qu'on n'avait pas beaucoup de jours de tournage, vu le peu de budget et le peu de pellicule et le peu de tout. Donc tout a été plutôt utilisé. Mais les seules coupes qu'on a faites, c'était vraiment... tout ce qui était un peu, pour moi, surligné la trame narrative du film que je trouvais un peu alourdissante et chiante, quoi. Enfin, pourrais me parler, quoi. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que je continue à moi me faire plaisir et poser celles que j'ai envie de poser? J'avais une question concernant... On a l'impression que les vaches tournent réellement de l'œil, mais il n'y avait pas de pandémie dans le coin. Non, alors évidemment, donc, je me disais que j'allais bien sûr y venir pour les animaux, donc évidemment, aucun animal n'a été maltraité pour le tournage. Ça, c'est hyper important parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que je défends. Donc, c'était aussi une façon, quelque part, aussi, je prends la question à l'envers, mais pour moi, c'était important de montrer ça parce que c'est des choses qui se passent. Des milliers de fois par seconde, chaque jour, donc des abattages de vaches pour... bref. Donc c'était un discours qui m'importait en sous-ma... Enfin, c'était pas le sujet du film, mais c'était important de montrer... d'avoir comme une espèce de défense de la cause animale à travers ce film, même si c'est pas du tout le sujet du film. Mais en revanche, donc par ailleurs, évidemment, Tofi, quand elle meurt, elle ne meurt pas vraiment. En fait, on a filmé un acte vétérinaire. Donc il y avait une vache qui n'était pas d'ailleurs la vraie Tofi qu'on voit précédemment. C'était une autre vache blanche de la même race que la première. Et en fait, elle nécessitait un acte qui s'appelle une fouille. Donc c'est juste voir si... Enfin bref, c'est... On imagine une fouille. Voilà, exactement. Une fouille vétérinaire pour laquelle elle devait être endormie. Celle et donc, de Nicolas, c'est très bien passé. Voilà, voilà. On va lui demander, je ne sais pas où il est, Nicolas. Voilà. Donc, cette vache était supposée s'endormir. C'était ça qu'on nous avait qu'on avait évoqué en prépa, tout ça. Et puis en fait, c'est marrant parce que sur le tournage, bah, elle s'endort. Moi, j'imaginais qu'elle allait à un moment, avec l'injection de le somnifère, donc elle a reçu une piqûre, et je pensais qu'elle allait vraiment comme tomber un peu comme une mouche, quoi. Enfin, et ça ne venait pas. Et donc, ça durait. Cette vache, finalement, luttait pour rester éveillée. Et donc sur le plateau, je me suis dit, mince, ça va pas du tout. Et en fait, au montage, j'ai réalisé que c'était mille fois plus fort de voir, parce qu'on a l'impression qu'elle agonise pendant hyper longtemps. Et donc c'est beaucoup plus troublant et terrible et hyper émouvant. Et donc c'était plus fort que ce que j'avais prévu initialement. Et juste pour vous rassurer, ça a duré à peu près 20 minutes. Puis après, elle s'est relevée et elle a commencé à faire des bonds un peu comme un kangourou. C'était même très étonnant, j'avais jamais vu ça. Parce qu'une vache, c'est énorme, ça pèse... plusieurs tonnes, et donc voir une vache qui gambade comme ça, je me suis dit qu'elle s'était fait un bon trip de LSD ou je ne sais quoi, enfin c'était un équivalent, et puis après une heure plus tard elle était toute normale et donc tout allait bien, enfin on a checké en plusieurs étapes parce que j'étais un peu inquiète, j'avoue, et puis en fait ça allait très bien, voilà. Et puis évidemment pour la mort du veau, c'est que du cinéma, c'est du montage, donc on le voit vivant, elle plante le couteau. La caméra monte sur le visage de Nav, donc c'est de la mise en scène. Et il y a évidemment une fausse peau avec une fausse poche de sang. Enfin, bref, on n'a pas du tout fait de mal à un veau tout mignon, comme ça, c'était pas possible. Et il me semble que vous aviez une question. J'ai une question sur votre façon de réaliser le choix des angles de caméra, parce qu'il y a plein d'endroits en fait, où on ne voit pas ce qui se passe vraiment, notamment sur la scène de la cuisine, la Macédoine, on ne la voit qu'après, etc. Comment est-ce que vous avez fait justement ces choix de montrer sans montrer? Et de montrer quand même. Alors, c'est vraiment une question que je me pose depuis quelques films, c'est toujours la juste place de la caméra. Donc, on se pose tout le temps avec mon chef-op, à chaque fois, quand on pré-découpe. Donc, évidemment, moi, je fais toujours un storyboard moi-même, avant le tournage. Puis, on va le tester avec mon chef-op sur les décors finis, enfin, une fois qu'ils sont prêts, livrés, enfin, ce qu'on appelle livrés, c'est-à-dire aménagés pour le film, tournage, pour le tournage. Quoi. Voilà, exactement. Et puis généralement, mon chef-op, il les modifie, ces storyboards, pour faire mieux que ce que... Donc exactement ce que j'ai en tête, mais en mieux. Il est trop fort. Je ne sais pas comment il fait, mais voilà, il se met dans ma tête et il... Enfin voilà. Et puis, donc effectivement, c'est cette question toujours de qu'est-ce que... Où je placerais... En fait, mon film juste avant, c'était un film avec Maria Vroubel aussi, la même comédienne, qui était une histoire d'exorcisme en Pologne, et donc qui était censée être au départ un documentaire qui a été transformé en fiction, parce qu'on a eu, donc on filmait des séances d'exorcisme réelles dans des vrais lieux, et donc, bon, bref, je ne vais pas faire l'histoire de... Mais tu fais tout ce que tu veux comme digression, tu es la même. En tout cas, en fait, comme c'était devenu une fiction, on s'était vraiment posé la question de, si c'était un docu, où est-ce qu'on placerait la caméra pour être à la bonne place ? Donc pas trop loin, en mode caché derrière une table ou une porte, mais pas trop près pour ne pas être non plus intrusif auprès de nos personnages. Et donc c'est quelque chose qui est, je crois, vraiment primordial dans mon cinéma, de toujours être à la bonne place, se poser la question de qu'est-ce qu'est la bonne place pour filmer les choses, les gens. Et c'est vraiment que de ça dont on discute, plus que des faits recherchés, de la juste place de la caméra. Enfin, c'est un peu... théorique comme ça, mais c'est vraiment un truc d'un point de vue éthique, déontologique, comment on se placerait pour filmer des gens ou des choses, ou des animaux, et donc c'est un truc, voilà, et puis évidemment, j'aime bien les plans séquences, j'aime bien donc ne pas surdécouper, ne pas forcément avoir de filet, donc c'est-à-dire ne pas multiplier les axes caméra pour avoir plein de possibilités au montage, parce que si t'as plein de possibilités, ben, tu les prends toutes et puis ça devient un clip, et c'est pas du tout mon cinéma, enfin... Enfin voilà, il y a plein de questions. C'est ce qu'on appelle se couvrir, et j'imagine que c'est encore moins pratique en pellicule. Voilà, en plus en pellicule, comme on a. Donc effectivement, aussi tout le truc de tourner avec pas beaucoup de budget en pellicule, c'est aussi que tout est très très très préparé. Tu fais des choix. En fait. Donc tu fais des choix à l'avance, et puis ce que j'adore, moi, c'est que donc, tout est ultra prêt, on est très prêt avec les comédiens, on a beaucoup répété, on est très prêt au niveau du décor, du storyboard, donc du découpage technique. Avec l'équipe technique, et puis au dernier moment, on casse tout. Enfin, ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. C'est quand, justement, comme on est hyper prêt, on peut se permettre de dire, bah, en fait, on va faire autrement. Waouh ! Et c'est un peu vertigineux, mais c'est parce qu'on est super prêt qu'on peut se permettre de modifier des trucs un peu gros, enfin, notamment des axes caméra qu'on avait longtemps essayé, prédécoupé, fait même les décors en fonction. Et en fait, ça rajoute des accidents et donc de la vie, quoi. C'est un peu ça le but de... Même par rapport à la direction d'acteurs, ils sont très prêts. Et puis au dernier moment, je leur mets des bâtons dans les roues pour qu'ils... Regardez un voilà. peu, hein. Exactement, ouais. Moi, j'avais une question par rapport à la musique qui est très prégnante, mais qui est très particulière avec la guitare saturée. Ouais. Et j'ai vu un homme qui ressemblait au bah oui, c'est mon frère. Et vous jouez de la flûte donc, aussi. Et c'est la flûte, voilà, c'est moi. Est-ce que vous pouvez nous parler donc, on fait de la musique en famille. Ouais. Non, mais effectivement, donc c'est un film très, très familial, en gros, globalement. Mais effectivement, c'est mon frère qui fait la musique. Et donc là, les directives, c'était vraiment à la fois le western, en fait, qui est d'ailleurs une vraie piste qu'on a évoquée plein de fois avec Roxane Mesquida pour le rôle de Sandra, où en fait, elle devait vraiment jouer, donc fumer, ça s'est roulé comme Clint Eastwood dans L'Homme des Hautes Plaines. Enfin, en fait, on parlait vraiment de personnages de western et de... cow-boy ou de pirate éventuellement, parfois aussi. Mais en tout cas, c'était vraiment toute sa gestuelle, la composition de son personnage était vraiment comme un cow-boy, quoi. C'était vraiment comme ça qu'on a perçu le... Pour moi, la femme fatale, c'est un cow-boy hyper viriliste. Mais en étant super méga belle et sexy, quoi. Enfin, ça marche. Voilà. Je veux dire, cette imagerie du western, elle infuse très très bien, quoi. Ça fait sens. Et donc, effectivement, même le générique de début, ce village qui est filmé comme ça, avec cette rue qui, pour moi, était conçue comme une rue de Far West, mais sauf que c'est un village lambda en Pays de la Loire. Enfin, et donc, bien entendu, la musique allait là-dedans aussi. Et après, il y avait cette virée en pick-up qui était censée être un truc un peu beaucoup plus gros lâchage, un peu explosion d'émotions et de... En fait, c'est à la fois c'est un peu les grands huit de Nav où elle vit son plus grand rêve parce qu'elle quitte enfin cette ferme dont on est un peu collé depuis le début. Et à la fois, ça va être la plongée dans le cauchemar, quoi. Enfin, c'est là où vraiment le film bascule. Et donc, la musique devait vraiment prendre toute la place, toute la bande sonore, si bien que des fois, on entend les... Donc ça, c'est aussi un vrai parti pris formel où des fois, on entend les personnages qui parlent et d'autres fois, ils parlent, mais on ne les entend pas. Et parce qu'en fait, je voulais vraiment donner une vraie place à la musique. Et de manière générale, c'est un truc que j'aime bien. C'est plutôt qu'avoir une musique illustrative, je préfère lui donner toute la place, mais pas trop souvent. Enfin... Alors, je vais te donner la parole, mais avant. Moi, j'ai une question qui m'intéressait aussi beaucoup. Quand on décide d'aller filmer, justement, dans ce décor très particulier, bon, encore une fois, en pleine ruralité, quand il faut... caster le film, tu sais, il y a toujours le risque de se dire, non, mais attends, moi, je veux pas non plus avoir l'air d'un espèce d'urbain qui va faire une galerie de personnages cabossés, amochés, ou à l'inverse, le risque de se dire, ouais, moi, je veux qu'on soit dans la campagne et qu'ils aient tous des tronches pas possibles. Et je trouve que le film est à la fois très impressionniste dans sa galerie de gueule, et en même temps, n'est absolument pas ni dans de la fétichisation, ni dans quoi que ce soit de... Ben, il est à la bonne distance. Et comment est-ce que tu as travaillé ça? Est-ce que c'était évident dès le début? Enfin voilà, parce que je trouve que c'est un des points extrêmement réussis du film, mais du coup, ça titille ma curiosité. Donc en fait, le casting, il s'est vraiment fait. C'est ce qui a pris le plus de temps. En vrai, je pense qu'on a vraiment fini. En fait, je ne pouvais pas caster tous les rôles en même temps. J'avais besoin d'à chaque fois en avoir un pour caster l'autre. Donc, par exemple, bon, évidemment, Nav, c'était la première parce qu'on avait fait un film ensemble avant. Donc, je savais que je voulais filmer Maria pour le rôle de Nav. Et après, j'ai mis vachement de temps à trouver Sandra, qui était... je suis allée dans plein de directions très, très variées, variables. Enfin, donc, au départ, je me suis dit que peut-être... donc, j'ai rencontré des actrices très connues, enfin, en me disant que peut-être ça allait amener du budget. Puis, en fait... Je me suis vite rendu compte que c'était pas moi, enfin que ça n'avait aucun sens, enfin que c'était pas le film que je voulais faire. Et donc après j'ai même testé un moment, donc j'ai parce que je fais généralement tout le temps le casting moi-même. Et donc pour le rôle de Sandra, j'ai donc choisi une directrice de casting qui était spécialisée un peu dans les creatures of the night, enfin des profils vraiment beaucoup plus atypiques, donc dont à un moment j'ai pensé à prendre une actrice trans. À un moment, donc on a casté aussi, on a vu, on a rencontré des actrices qui venaient plus donc du milieu de la nuit, qui n'étaient pas du tout actrices, mais plus danseuses ou performeuses, ou actrice porno. On a vraiment tenté des choses très... Pour revenir à Roxane, que j'avais rencontrée assez tôt, et qui, elle, pour moi, donc, est à la fois... En fait, ce qui me dérangeait au tout début, c'est que Roxane, elle est vraiment super belle. Elle est toujours très belle dans le film, mais quand je l'ai rencontrée, elle avait un... Donc, elle a, dans la vraie vie, une très longue chevelure noire... un port de tête hyper altier, enfin, elle se tient elle très bien. Une beauté de cinéma, on dirait un peu. Maintenant. Une beauté de cinéma datée que j'aime beaucoup. En plus, c'est ce truc un peu. On se demande si elle vient pas d'un film de Hitchcock ou de Brian De Palma ou de. Enfin, ou même Lynch presque. Ouais, complètement. Ça c'est ce qui me plaît à fond chez elle. Mais en tout cas, tout l'enjeu était de cabosser, de la salir en fait. Enfin. Et donc, je ne sais plus qui a posé. C'est toi qui a posé la question. Absolument. Donc, bon, je vais un peu. Bon, je vais essayer de faire court, mais en tout cas, donc voilà, l'idée, c'était donc de lui faire cette crinière un peu filasse. Donc, on a vraiment abîmé ses cheveux, en fait, enfin, avec cette décoloration blonde, le vieux rose, donc bien sûr la telle, qui était une façon de. De casser la grâce, exactement. Les chaussures qui se prenaient tout le temps dans la boue, on a tourné dans un endroit où il y avait vraiment énormément de boue. Donc Roxane a dû tomber 22 fois si on faisait un bêtisier, où ces espèces de grosses chaussures, des New Rock, restaient vraiment engluées dans la boue et estolaient très régulièrement. Et elle était vraiment d'ailleurs incroyablement rock'n'roll en vrai. Enfin voilà, Roxane avait ce truc. Bon, bref, en tout cas, donc, le casting a été étape par étape. Et donc, pour trouver, par exemple, Alice, il fallait que j'ai Tomek. Pour trouver la mère d'Alice, il fallait que j'ai Alice. Enfin, bref, tout s'est fait. Donc, si bien que je crois qu'on a eu nos derniers rôles, qui sont tous des petits rôles, mais tous très importants, une semaine avant le début du tournage. Quoi. Et le casting a vraiment duré des mois et des mois. Chaque fois, il fallait que je sois sûre d'un rôle... Pour chercher le suivant. Oui, et puis comme tu composes un ensemble, justement, tu te dis là, maintenant je peux rééquilibrer par là. Exactement. Ou déséquilibrer exactement. Par là. C'était vraiment comme une espèce d'échiquier. C'était hyper ténu, un équilibre où des fois il y avait telle Alice possible, mais du coup ça impliquait que Tomek était forcément. Enfin bon, bref, il y avait tout plein de. Et en fait, j'avais besoin de ce temps-là pour. Donc voilà, c'était long, le casting. Je crois que tu avais une question, camarade. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir au sujet de la pellicule ? Je me demandais pourquoi ce choix, quelle esthétique vous recherchiez, qu'est-ce que vous avez pu avoir que vous n'auriez pas pu avoir en numérique, et à la fin, est-ce que globalement, quand vous avez vu les rushs, vous étiez satisfaite ou surprise ou voilà, comment ça s'est passé ? Bon alors, à la fin, j'étais hyper contente quand j'ai vu les rushs, évidemment, ça c'est vraiment le premier truc à dire, c'est comme ouvrir un cadeau de Noël en fait, enfin, et surtout, en montage, on découvre au départ des mauvais scans, donc des scans de basse qualité. C'est un peu technique, mais en tout cas, donc, c'est un scanner qui s'appelle le Scanity qui scanne très vite parce que ça coûte moins cher. Et à la fin, on scanne en très bonne qualité uniquement ce qu'on a gardé, donc le montage def. Et donc là, c'est vraiment hyper beau. Enfin, d'un seul coup, je me souviens qu'en étalonnage, j'ai découvert sur certains plans tout un pan de végétation qui bougeait, qui était qu'avant, j'avais un peu de manière un poil... grisé et un poil moins défini, exactement. Et après, moi, ce truc de pas très défini, j'adore, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose... Donc, le choix global, donc, il y a d'une part ce truc dont on parlait tout à l'heure, qui est organique, la matière vivante, et qui est plus magique, et qui va avec toutes ces matières du film. Donc, pour moi, c'était important. Mais aussi, ce truc de un peu pas dater le film. J'aime beaucoup ça, en fait. On sait pas bien... quand ça se situe, il n'y a pas de téléphone portable, mais en même temps, bref, c'est quand même, pour moi, très contemporain, mais en fait, pas vraiment, on ne sait pas trop si c'est... Et en fait, pour moi, le film a été conçu un peu comme une espèce de... entre un souvenir de mon enfance, un cauchemar, un rêve, une vision, on ne sait pas bien ce que c'est, mais c'est la réalité décalée d'un demi-ton, un truc comme ça. Enfin, et donc, la pellicule, bien entendu, y contribue. Et après, donc... sur le plateau, oui, je commençais à dire ça tout à l'heure, mais il y a ce truc de magie où, même pour les acteurs, tourner en pellicule, c'est un cadeau pour eux, c'est dingue. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas 20 prises, il y a besoin d'une présence instantanée, ils sont tout de suite meilleurs. Mais non, mais il y a un enjeu pour tout le monde. Bah ouais, il faut que ce soit. Et donc, quand tu découvres, quand tu déroches les images en montage, c'est marrant parce qu'en numérique, t'as donc moteur. Ah, attends, tu vois l'accessoiriste qui va caler un truc. Non, mais attends, attends. Puis t'es là, genre, t'attends. T'as le temps de réfléchir à la prise d'avant et de prendre des notes quand tu déroches. Alors qu'en pellicule, c'est moteur, action. Ah, et puis, couper, moteur. Ah, donc t'es obligé de faire pause pour prendre des notes sur les scènes. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Déjà, tu laisses jamais tourner. Tu laisses jamais tourner, ça coûte hyper cher. Tu sais, si t'as un faux départ, tu dis non, mais vas-y, c'est bon. Là, tu coupes, quoi. C'est. Et donc pour la nuit, bah évidemment, ça nécessite plus d'éclairage. Alors après, le truc, parce que beaucoup de producteurs vont dire que c'est pas rentable de tourner en pellicule plutôt qu'en numérique. Moi, je dis que c'est pas vrai. Je m'oppose à ça. Non, mais en tout cas, en fait, notamment pour les extérieurs jours, donc, en numérique, un extérieur jour, si tu filmes une forêt de jour en numérique, tu vas avoir les arbres qui vont faire un énorme aplat noir, le ciel qui fera un énorme aplat blanc. Et donc, pour avoir du contraste et du volume, de la modulation, des dégradés de vert et tout ça, tu as besoin de mettre une blinde de projecteurs très, très puissants, ce qu'on appelle des HMI, avec des cadres. Ça nécessite un boulot de lumière énorme et aussi en étalonnage de retravailler chaque partie. Ça, c'est le numérique. Alors qu'en pellicule, tu poses ta caméra. Mon chef op serait pas très content que je dise ça, c'est pas aussi instantané, mais... Quasiment, en fait, il n'y a presque rien à faire. Le travail se fait sur le plateau, essentiellement. Voilà, ouais, exactement. Et après, effectivement, pour les nuits, ce n'est pas totalement vrai. Les nuits nécessitent beaucoup plus de lumière, quand même. Enfin, ouais. Ouais, en fait, je me demandais s'il n'y avait pas un lien entre le fait de tourner en argentique avec un côté très organique et le côté aussi également très organique de l'histoire. Avec toute cette barbe, avec cette personne qui se révèle, cette féminité qui se révèle, qui sa volonté faite. Tout à fait. Je peux vous donner le micro, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, moi je manque à tous mes devoirs, je vous écoute, je suis là. Pardon, c'était juste pour dire que c'était exactement ce que j'aurais dit. C'est tout à fait vrai qu'effectivement, c'était totalement corrélé avec l'histoire et toutes ces matières, donc le côté organique. Était complètement en adéquation avec cette féminité qui et puis aussi en fait filmer la nature et ben il y a quelque chose qui est vivant qu'on maîtrise pas en fait on a beau vouloir maîtriser la nature on la maîtrise jamais ça grouille c'est vivant il y a des insectes il y a des trucs ça se répand la moisissure enfin tout ce genre de trucs et donc évidemment c'est aussi un pan du film tout ce truc de matière qui est donc, notamment toutes les sécrétions humaines, enfin tout ça, enfin, et qui sont des choses qu'on maîtrise pas, qu'on a beau essayer de cacher tout le temps, il faut camoufler tout ça, mais en fait on maîtrise pas. Et donc, la pellicule, c'est pareil, c'est des trucs qui sont vivants et ça grouille. C'est la nature, quoi. Enfin, c'est l'argentique, quoi. Mm. C'était pas bon. Alors déjà, merci à Mauvais Tour d'avoir gardé le meilleur pour la fin. Mais de rien. Ouais. Et je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous considérez avoir appris de ce film ? Oh là là, une tonne de choses. En fait, je crois qu'on apprend tout le temps dans la vie, mais quand on fait des films, c'est des sacrés challenges, en fait. Enfin, et notamment, alors bon, déjà, là, dans ce film, j'ai l'impression d'avoir été confrontée à des problèmes de films d'action, même si ce n'est pas un film d'action, mais il y a quand même pas mal de trucs. Donc, notamment, le feu, une forêt qui prend feu, la fausse pluie, la course en pick-up, les animaux, donc ça veut dire dresseur, animalier... les armes à feu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même, c'est forcément des armuriers qui viennent sur le plateau. Il y avait des scènes de cascade, donc évidemment, il y avait une coordinatrice d'intimité pour les scènes d'intimité. Enfin, il y avait tout plein de trucs comme ça qui sont des passages obligatoires des films dits d'action, quoi. Enfin, que j'ai appris parce que je ne savais pas faire ça. Donc, il y a plein de choses. Moi, je pense que je suis plutôt à l'aise. En tout cas, entre mon premier film et celui-là, Ce qui me faisait peur au départ, c'était la direction d'acteur, et donc j'ai foncé vraiment dedans pendant des années. Donc je suis devenue prof de direction d'acteur dans plein d'écoles parce que c'était mon point faible, et du coup je me suis dit, allez, je vais en faire un. Enfin, quand il y a un truc qu'on sait pas faire, il faut y aller, quoi. Enfin, et donc du coup, j'étais plutôt rassurée sur les scènes d'intimité, des trucs comme ça. Enfin, par exemple, les scènes de possession avec Maria, ça me faisait pas du tout peur, alors que ça peut paraître un peu effrayant à mettre en scène, tout ça, mais en fait. Toutes ces scènes un peu, entre guillemets, physiquement, qui peuvent paraître extrême, un peu extrêmes, ou je sais pas comment on peut dire, ça m'effrayait pas. Mais par contre, des scènes où je savais que j'avais pas maîtrise, notamment feu, pluie, boue, animaux, tout ça, t'es là, tu sais pas ce qui va se passer, en fait. Enfin, et donc, bah oui, j'ai beaucoup appris. Enfin, je veux dire, tout ça, déjà, j'ai énormément appris. Enfin, et plein d'autres choses, bien sûr, mais... Allez, hop, c'est pas loin. Et tu, après, tu passeras derrière. Très bien. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Je voulais revenir à Maria Vrobel, qui est absolument incroyable dans le film. Vous disiez que vous avez déjà travaillé avec elle. Est-ce que, du coup, en écrivant le rôle de Nav, vous l'aviez déjà en tête et vous l'avez écrit un pan fonctionnel de ce que vous connaissiez d'elle et comment vous avez travaillé, ou comment vous avez pu composer avec ça? Alors, en fait... Quand j'ai... Donc, le film d'avant qu'on a fait ensemble, c'était pas longtemps avant. Et j'avais déjà écrit ce film-là. Donc, ce film-là, j'ai commencé à l'écrire après mon premier long-métrage qui était à Cannes en 2016. Et donc, c'est des temps juste de dingue. Enfin, en fait, c'est compliqué de financer un film comme ça. Enfin, donc, le film a été écrit assez vite, mais il a été réécrit. Il était question qu'on tourne en 2020. Et puis, en fait, pendant le Covid, donc, la boîte de prod qui était celle de mon premier long a fermé à ce moment-là. Donc, je suis passée en prod chez mon distrib. Puis, je me suis rendu compte que mon distributeur de l'époque, qu'il ne voulait pas faire un petit film en termes d'économie. Donc, je me suis dit, je suis restée à peu près un an et demi avec lui, puis je me suis dit que j'allais pas. Enfin, bref, c'est des parcours, en fait, enfin, franchement, pour les réalisateurs, une des qualités, je pense, les plus importantes, c'est la persévérance. Ne pas lâcher, y croire, c'est vraiment important. Enfin, malgré tous les vents, les portes, les murs qu'on se prend, et j'ai l'impression que c'est chaque fois pareil. T'as beau faire un film qui est à Cannes, le prochain, ça va être quand même une galère, enfin, sauf si tu fais des comédies romantiques, peut-être, enfin, je sais pas, après je vais pas parler pour c'est peut-être même pas vrai non plus, mais en tout cas pour ce genre de film c'est compliqué, enfin oui, ça l'est déjà aussi, je pense, de toute façon. Oui, ça l'est déjà, c'est déjà moins compliqué quand tu veux faire une comédie romantique avec caméra. Je pense que si tu veux, il y a une sorte de paquet. Merci. Il y a une sorte de... Oui, ici, il y a des recettes de films, tout simplement, qui sont perçues non seulement par les distributeurs, mais surtout par les potentiels acheteurs télé, qui peuvent te faciliter un peu la vie. Si tu dis comédie romantique avec Katmerad, tu vas faire scintiller l'œil de TF1 un petit peu plus fort que si tu dis Exorcisme en Indre-et-Loire. Et je crois que, oui, que quelqu'un voulait poser une question juste derrière toi. Alors, moi, j'ai trouvé ton... On entend ? Ouais. Moi, j'ai trouvé ton film assez parfait et il m'a énormément touchée. Et du coup, maintenant que je t'entends en parler, je suis très mauvaise sur tout ce qui est, enfin, je m'y connais absolument pas sur tout ce qui est technique ou développement du film, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je le trouve encore plus intéressant depuis que tu en parles. Ah bah merci beaucoup. À part ça. J'aurais voulu que tu reparles, puisque tu as commencé à en parler en début de conversation, mais on n'est pas revenu dessus, du travail avec les animaux et entre autres avec les humains qui ont pu faire que tu as pu travailler avec des animaux. Voilà. Ouais, alors je veux reciter Bernard, Philippe, enfin toute cette famille, et puis donc Tiffany, Sandrine, bon bref. On était très très bien accueillis. Pas que, je veux dire, dans tous les sens du terme, notamment sur justement l'accompagnement dans le film. En fait, c'était comme si cette famille d'agriculteurs, ils ont compris ce qu'on voulait faire et ils sont venus avec nous, avec vraiment cette envie de le faire. Et donc, par ailleurs, Maria, pour la préparation du rôle, est allée passer une semaine comme stage, ou je sais pas comment on dit, enfin, à la ferme toute seule. C'était aussi pour elle l'occasion d'apprendre un peu plus le français, parce que Maria, elle vit à Varsovie. Et donc, moi, je suis bilingue, en fait. Enfin, j'ai donc cette double culture totale, on va dire. Enfin, et donc, effectivement, Maria était venue pendant une semaine pour apprendre les gestes. Et aussi, il se trouve que Maria avait vraiment l'habitude des animaux tout court. C'était quelque chose qui lui était très familier. Elle n'avait pas du tout peur des gros animaux comme des vaches. Et moi non plus. En fait, moi, c'est des gros animaux comme je dis. Et moi, pareil, je viens aussi de la campagne en Pologne. En fait, aussi, j'ai un rapport très, très simple à la ruralité, on va dire, pour dire un gros mot bizarre. En fait, je viens d'un village un peu similaire en Pologne. C'est un peu ça, mon enfance. Et donc... Donc effectivement aussi ce truc de, on ne sait pas exactement où ça se situe, je sais plus, je pense que c'est toi qui disais ça au début, si c'est. Non mais je réponds dans ce sens. En tout cas, je vois bien que dans certains retours que j'ai du public, au début du film, on ne sait pas trop si c'est en Pologne ou en France, on ne comprend pas bien, et c'est tout à fait volontaire. En fait, c'est donc le vert de la maison de Sandra, c'est le vert de l'immeuble de ma grand-mère en Pologne dans ce village. Enfin, en fait, il y a comme une espèce de mix des deux tout le temps. Et tout est hyper... je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ne sont pas hyper intimes de moi dans le film. Et donc, effectivement, le rapport aux animaux était hyper important pour moi de bien les considérer et d'être très... par exemple, la scène avec le veau, c'est une scène qu'on a tournée dans... De toute façon, de manière générale, les scènes avec les animaux, on les tournait en micro-équipe. Ils étaient... c'était assez marrant parce qu'il y a cette vache donc, qu'on appelle Tofi, mais qui, en réalité... s'appelle Casse-couille, c'est la vraie vache, donc qui est une vache qui en fait a été, qui est comme une vache à pas apprivoisée parce que ça s'apprivoise pas une vache, mais qui a grandi en fait, qui est née prématurée et qui a été donc élevée par cette famille d'agriculteurs, donc ils l'ont nourrie au biberon bébé, et du coup on peut l'appeler et elle vient, et donc c'était comme aussi un allié de la mise en scène, parce qu'elle elle va convoyer les autres vaches. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. C'est ce qui est très très fréquent dans beaucoup d'exploitations, mais pas qu'avec les vaches, où effectivement, on va avoir une proximité plus grande, plus prématurée, si j'ose dire, avec un animal qui va pouvoir calmer le groupe et va faciliter en fait les interactions entre humains et animaux. Avec des chèvres notamment, ou des moutons, ça se fait énormément par exemple. Bah oui, c'est... Donc en fait, on avait des alliés parmi les animaux, et on avait des alliés parmi les humains, et effectivement, on avait aussi nous-mêmes... plus ou moins une connaissance personnelle, quoi. Enfin, et puis aussi, donc, pour moi, c'est très important d'avoir une équipe qui ne se comporte pas comme des gros connards qui viennent. Enfin, je veux dire, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont très respectueux des lieux où on tourne. Je pense que c'est pour moi vraiment quelque chose d'important, de sentir qu'il y a une intégration de toutes parts, que l'équipe s'intègre dans la famille, que la famille s'intègre dans l'équipe. Enfin, bref, un truc un peu humain. C'est bizarre de dire... Eh bien, après cette interview de Julia, je vous propose de passer à la bande originale du film qui a été le Grand Prix de l'année dernière, un film qui a cartonné en avance, on peut le signaler, par rapport aux Oscars et tout le battage international qu'il y a eu. Ben oui, il faut dire que Mauvais Tour, pour sa première édition, avait tapé très fort, puisque c'était The Substance qui a eu toutes ses récompenses internationales. Et là, on va écouter, bien sûr, la musique originale de The Substance. We'll be right back. pour continuer, nous allons parler maintenant avec le réalisateur Romain Daudet-Jahan du film Lakima. Donc Lakima, un film qui est un film à petit budget lui aussi. Et on voit que le réalisateur s'est vraiment inspiré de cinéastes célèbres. On vous laisse découvrir dans l'interview. Et puis, voilà, c'est un film qui était... moi, j'ai particulièrement bien aimé. Après, certains ont plus ou moins aimé le jeu des acteurs. Mais bon, moi, j'ai trouvé pour un film de ce budget que c'était vraiment très intéressant. Et donc, je vous laisse découvrir cette interview après projection du film. Et alors, pendant que nos amis s'installent, juste un petit mot, et aussi bien pour celles et ceux qui étaient là l'an dernier que celles et ceux qui découvrent cette belle manifestation, c'est pas n'importe quel film, c'est un film qui arrive dans le contexte de Parasomnia. Parasomnia, c'est une collection de longs-métrages qui a été lancée par Sony et par le producteur français Marc Mitsonnier, avec une idée à la fois simple et terriblement cauchemardesque, réussir à produire une collection de films de genre produits pour 1 million d'euros. C'est important de le dire parce que l'an dernier, il nous avait fait la confiance et l'honneur de présenter le tout premier film de cette collection, 36, et de venir, on a eu les deux produits, 37, mon Dieu, oh là là, on vieillit, hein. 37, et donc de venir le présenter avec le metteur en scène et les deux producteurs, tout simplement pour nous dire, bah tiens, c'est un bon endroit ici quand même pour vous en causer, et on est très heureux de continuer ce partenariat, et donc de vous faire découvrir le deuxième long métrage de cette collection. Voilà, il fallait le dire un petit peu, et peut-être qu'on aura l'occasion de se questionner là-dessus, sur comment on fait un film ainsi, et voilà, et c'est aussi l'occasion, encore une fois, de vous remercier, et de remercier Sony, et de remercier Marc Mitsonnier, de cette chance qui nous est faite de partager cette collection avec vous. Et donc peut-être pour commencer, Romain et Émilie... c'est parti. Simon et moi, on suit ton travail depuis le début, tes deux premiers courts-métrages, Les Champs Magnétiques, puis Colonie. C'est un univers très particulier, très référencé, Amblin, Young Spielberg, l'adolescence, l'émerveillement, le sense of wonder, ce fil conducteur de ton imaginaire. Tu peux peut-être nous en dire un mot et comment vous êtes arrivés l'un et l'autre au scénario de Kima? Oui, dire un mot là-dessus, pour commencer, Kima que vous avez vu là, c'est vraiment la continuité de ce que j'ai voulu faire dans les courts-métrages. Donc les champs magnétiques et colonies, c'est-à-dire raconter des histoires de personnages un peu décalés, un peu marginaux, un peu à côté, qui ont besoin de rencontrer le surnaturel ou l'étrange pour se reconnecter à eux-mêmes, se reconnecter à leur famille, à la société. Et ça vient d'un désir plus profond de faire de la science-fiction en France. En fait, de faire de la science-fiction au cinéma en France. Alors, parce que la science-fiction en France, on en parlait tout à l'heure avec Simon, en fait, on a participé à l'inventer quand même à la fin du 19e siècle avec Jules Verne. Et puis un de nos cinéastes les plus célèbres du début du 20e, c'est quand même Georges Méliès. Et depuis, en fait, la science-fiction n'a cessé d'irriguer l'imaginaire et la culture française en littérature, en bande dessinée, et puis récemment en jeux vidéo. Alors, avec des auteurs quasiment oubliés aujourd'hui, au début du 20e, comme Maurice Renard, Rony Aîné, Gustave Le Rouge et encore d'autres très grands auteurs et autrices du début du 20e. Et puis, ensuite, il y a eu Barjavel, ensuite, il y a eu bien sûr Pierre Boulle, et puis, il y a eu Métal Hurlant. Enfin, il y a eu énormément de choses dans la culture française qui ont participé à la culture de la science-fiction mondiale. Mais étrangement, ça s'était jamais trop prolongé au cinéma. Alors, bien sûr, on a fait en France La Jetée, il y a Je t'aime, je t'aime d'Alain René, il y a La Belle Verte de Colin Serrault, Les Visiteurs les dans les... Route. Pardon ? Les putes de l'autoroute. Voilà, Les Visiteurs dans les couloirs du temps, on peut à certains égards considérer comme Oxygène, ça, d'un réalisateur... Oxygène, bien sûr, absolument, oui, c'est vrai, absolument, Oxygène, il est probablement dans la salle, d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà, notre grand récit de rencontre du troisième type français, c'est quand même La Soupe aux Choux. Et il n'y avait pas eu grand-chose à ce stade. Et donc, voilà, moi j'ai eu envie de raconter ces histoires et j'avais envie de faire de la science-fiction puisque ça fait partie de mon imaginaire. Et quand j'étais petit, en fait, je vivais dans un village en Anjou, donc près de Cholet, le village de mes grands-parents. Enfin, j'y passais beaucoup de temps l'été. Et je lisais des bandes dessinées, je lisais des récits de science-fiction. Et je me disais, mais systématiquement, quand les extraterrestres envahissent la Terre, ils arrivent à Manhattan ou à la Maison Blanche, mais ils n'arrivent pas en Anjou. Ils n'arrivent pas dans les villages français, alors que, bon, je veux dire, il y aurait tout autant de raisons statistiques que s'ils se posent au hasard, ils arrivent au milieu de la campagne que chez les Américains. C'est la filiation, la denrée. Voilà, c'est ça, la denrée. Donc, la soupe aux choux, hein, pour ceux qui ne... Voilà. Et donc, voilà, et je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être raconter des histoires de rencontres du troisième type en France. Et moi, j'aime beaucoup le son au cinéma. J'ai toujours été passionné de design sonore, de sonorité. Et donc, je me suis dit, peut-être que les extraterrestres pourraient créer un son qui nous hypnotise ou nous fascine. Et à un moment donné, j'ai eu un genre de déclic. Je me suis dit, ben non, les extraterrestres, c'est le son. Et là, je me suis dit, ben attends, si une forme de son devient vivante, du coup, elle ne peut pas exister dans l'espace ou dans l'air. Elle est forcément dans un espace où elle peut résonner, donc elle est sous terre, et donc ça ne sera pas un extraterrestre, ça sera un intraterrestre. Voilà comment est né Kima, et ensuite Kima, le projet a été rendu possible grâce à la rencontre avec Émilie Dubois, dans un atelier d'écriture, où on s'est rendu compte que tous les deux on aimait le cinéma de genre, et je lui ai proposé de rejoindre l'écriture du projet, et voilà comment est né le projet. Émilie, il paraît que tu rejoins des écritures de projet, comment est-ce que tu es rentrée? On peut le dire, non? Si on pouvait le dire, c'est qu'on peut le dire. C'est que Émilie est rentrée sur notre projet avec Simon aussi, elle est co-scénariste de notre futur long métrage. Émilie est une scénariste remarquable. Émilie, comment est-ce que c'est de rentrer? Non, mais en fait, c'est intéressant en tant que scénariste d'arriver dans ces univers qui sont des univers très définis, avec comment est-ce que tu t'insères, comment est-ce que tu influes dedans et quel est ton regard et ton apport sur ce type de travail? Question difficile. Alors bah, déjà on s'est rencontrés à l'atelier Scénario de la Fémis, c'est littéralement le premier jour où on s'est assis côte à côte et on s'est rendu compte qu'on aimait le film. Donc ça s'est fait à peu près en 5 minutes chez nous. Voilà. Et notamment autour, en fait on est nés tous les deux dans les années 80, donc on a forcément un lot de références en commun. Moi c'est vrai que mon truc c'est plus le fantastique à la base que la SF, mais je me suis remis avec grand plaisir. J'ai redécouvert des choses avec Romain, ce qui était hyper, hyper intéressant. Et comment je m'insère, j'ai envie de dire, en tant que co-scénariste, l'important c'est aussi de se mettre au service d'eux. Et en même temps, j'ai trouvé, beaucoup de liberté en fait, du fait qu'on ait plein de résonances, sans mauvais jeu de mots, qu'avec le film, plein de résonances en commun, en termes de goût. En fait, c'était relativement facile de trouver un langage commun. Je pense que c'est ça, surtout d'écrire un film de genre, c'est un langage commun. C'est une boîte à outils, et plus la boîte à outils est commune, plus on pêche dedans, et on se dit, tiens, vas-y, on va faire ça. Et du coup, ça devient extrêmement ludique, quoi. Et avec Romain, ça, voilà, je vous disais tout à l'heure, son plaisir, en fait, elle a été importante. En tout cas, voilà, l'idée de trouver du plaisir à raconter des histoires qu'on aurait plaisir aussi à voir. En tout cas, on espère aussi du plaisir à voir ça, quoi. Très simplement. Et alors, moi j'ai une question pour vous qui m'intéresse tant au niveau de l'écriture que de la mise en scène. Vous savez pas faire un jeu au film que de dire qu'il est Spielbergien, qu'il y a une espèce de vibration qui nous vient des productions Emblem. Tout cet univers, c'est souvent un univers qui est extrêmement visuel et qui a un bestiaire, donc un bestiaire qui apparaît à l'écran. Justement, quand on veut faire rencontrer cette philosophie-là, ce rapport au récit, avec un infraterrestre, comment est-ce qu'on fait pour faire s'imbriquer ces deux éléments, ces deux philosophies? En fait, Spielberg, oui, forcément, on y pense. Moi, c'est un cinéaste que j'adore et qui m'a beaucoup inspiré. Mais pour Kima, en fait, ce qui m'a intéressé dans le cinéma spielbergien, comme tu dis, et plus largement dans le cinéma de Amblin des années 80, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un cinéma qui s'intéresse aux liens entre des personnages dissemblables, et qui aime à écrire et à mettre en scène des personnages étranges qui apprennent à s'aimer, alors que, a priori, rien ne les préparait à être comme ça. Il y a ça d'abord, et puis c'est aussi un cinéma de l'immersion. En fait, Spielberg, en tout cas dans les années 80, je trouve qu'il propose aux cinéastes, aux jeunes cinéastes, une boîte à outils pour faire une mise en scène où on est à la même vitesse que les personnages et où on est immergé dans l'aventure au premier degré. Et moi, j'aime ce cinéma où on croit à ce qui se passe, où on est avec les personnages et où on vibre autant qu'eux à ce qui leur arrive aux événements qu'ils vivent, quoi. Et voilà, et donc c'était ça en fait que je cherchais dans ce cinéma-là. Et enfin, je crois que Spielberg, il a fait un truc très intéressant et qui m'a intéressé pour Kima, c'est comment on filme des décors familiers, des villages, des zones en friche, avec du mystère et avec de l'étrange. Et c'est ça en fait, c'est là en tout cas où moi je suis allé chercher des outils ou de l'inspiration chez ce cinéaste-là et chez cette époque-là. Et pour l'écriture, si tu pensais à... Non mais alors c'est curieux parce que en fait je pense que le film est devenu très spielbergien, comme tu dis, dans sa phase de réalisation. Bizarrement, on ne s'est pas donné ça comme motivation déjà parce que bon, ce serait hyper écrasant, genre ouais, on va faire du Spielberg, genre waouh, pas de pression surtout quoi. Sans argent. Ouais, avec 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros. Là, je pense que là, ouais, pour se mettre une pression absolument écrasante, il n'y avait pas meilleur moyen. Non, du coup, on a peut-être même pas osé penser directement à Spielberg. Maintenant, effectivement, oui, bah, je pense qu'il y a E.T. comme référence commune. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas y penser. Mais après, ça n'a pas été un truc conscientisé. On dit, on va faire du Spielberg. En revanche, effectivement, je rebondis sur ce que disait Romain. On avait envie de se dire que l'histoire pouvait avoir lieu dans un petit village français qu'on a tous vu, qu'on traverse parfois en voiture, comme on a sans doute connu les étés un peu chiants où on passait chez papy, mamie, enfin moi j'ai connu ça, vous sans doute aussi, et on se dit genre mais en fait pourquoi le fantastique, l'irréel, le surnaturel ne pourrait pas se passer dans des lieux qu'on connaît. Et comme disait Romain, c'est un peu la démarche de Spielberg aussi. Ici par exemple ça se passe dans une banlieue américaine genre tout à fait lambda, dans une famille un peu dysfonctionnelle aussi, avec le père qui s'est barré, la mère qui déprime, les frères qui ne s'entendent pas tout à fait. Ça c'était des choses en fait qui pouvaient être tout à fait universelles en fait. C'est vrai que voilà, l'univers de Spielberg c'est la banlieue américaine parce qu'elle a été extrêmement filmée, on s'est dit bah, pourquoi pas filmer la même chose mais dans un village français en fait, tout simplement. Il y a autre chose aussi, c'est pour moi il y a un mode d'emploi de mise en scène qui est Les Dents de la Mer, Jaws, qui est un film qui a été fait dans un temps restreint, avec un budget restreint, et donc ça a poussé le jeune Steven Spielberg à trouver des solutions de mise en scène qui se sont révélées être extrêmement inventives et créatives et intéressantes, comme faire des plans longs où les personnages se déplacent à l'intérieur de l'espace, créant de la dynamique entre les personnages. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à la fois en termes d'esthétique et de créativité, mais aussi en termes d'économie, parce que comme l'ont précisé Nicolas et Simon, donc Kima c'est 1 million d'euros. Alors 1 million, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est deux fois plus que les bijoux de la ministre de la Culture. Là. Voilà. C'est quand même pas mal d'argent. Et c'est 5 fois moins que le budget moyen d'un film français. Donc pour vous donner un exemple, Chien 51 qui est sorti hier, c'est un film à 40 millions d'euros, donc c'est 40 fois le budget de Kima par exemple. Donc 1 million d'euros, ça veut dire que toute l'équipe est payée avec un tout petit salaire, qu'on a un temps de tournage très réduit, en l'occurrence là, on avait 24 jours de tournage, un peu moins de temps de prépa, enfin moins de tout en fait. Et donc il a fallu être créatif et bosser en équipe très fort et motiver tout le monde pour aller de l'avant, quoi. Y a-t-il des questions dans la salle ? C'est maintenant ou jamais. J'aime bien regarder Nicolas courir dans la salle. D'habitude, tu me vois courir nu, c'est la même chose. Oui, mais justement, finalement, ça me relaxe. Bonsoir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en scène ? Est-ce que c'est... à mettre en scène, je pense, du coup, à visualiser le son dans l'espace, ou alors est-ce que c'était le travail sur le son lui-même, et comment vous avez géré aussi avec les acteurs, parce que je ne suis pas sûr que vous avez entendu ce son-là au moment de l'acting. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile à faire pour la production et le tournage? Alors pour te répondre, je vais te donner en exemple la deuxième semaine de tournage de Kima, où après une semaine de scènes, de dialogues, de comédiens, de discussions entre les personnages, on est arrivé dans le hangar et on a installé la caméra pour le premier plan sur la machine. Et au moment de lancer le moteur, je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher en fait? Genre, est-ce que cette idée va fonctionner? Enfin, est-ce qu'on va croire à une créature invisible qui vibre à l'intérieur d'une espèce de monolithe de métal? Et j'ai eu vraiment une goutte de sueur qui m'est descendue du front jusqu'au menton au moment où j'ai dit couper. Je me suis dit, ah, peut-être ça peut fonctionner. Voilà, donc ça c'était un moment un peu flippant, quoi. C'est de se demander si le pari de cette créature invisible mais vibratoire allait être rempli. Ça c'est un défi technique, c'est un défi, c'est aussi un truc, c'est croire à la créature. En fait, depuis le début de l'écriture avec Emily, nous on croyait à cette créature, et moi quand j'ai préparé la mise en scène de Kima, j'y croyais à fond, donc je n'avais pas de doute sur le fait qu'elle allait exister. Et pour ça, j'ai commencé très tôt à travailler avec un sound designer que je vais citer, qui s'appelle Pascal Villard, qui est un grand sound designer français, monteur son, qui a travaillé pour Jacques Audiard, qui a travaillé pour Olivier Dahan et d'autres cinéastes, qui a beaucoup d'expérience et qui est un passionné de science-fiction, mais qui ne fait pas assez de science-fiction à son goût. Donc quand on lui propose des projets comme ça, bah, il se lance à fond. Et donc on a, plusieurs mois avant le tournage, commencé à chercher la créature. Donc on s'est enfermé dans un studio pendant plusieurs jours, et on enregistrait notre voix, on enregistrait des objets qu'on tapait dans tous les sens, des ballons de baudruche qu'on frottait avec nos doigts, et ensuite on passait ça dans des machines, on déformait, on pitchait, on inversait, enfin c'est surtout lui qui faisait ça, hein, mais je veux dire, moi j'assistais tout en proposant des idées, et comme ça on a essayé de s'approcher de la Kima, de l'EIT, de l'entité intraterrestre. Et donc j'avais des choses à faire écouter aux comédiens sur le plateau. Et la deuxième chose, c'est que Kima, c'est un film qui est possible parce que c'est un mélange entre des effets spéciaux plateau avec tout un tas de systèmes vibratoires. Exemple, par exemple, quand les tables vibrent ou que la machine vibre, c'est parce qu'on a accroché aux objets un vibrateur à béton. C'est-à-dire que c'est des vibrateurs électriques que vous mettez pour que le béton reste liquide dans les bétonnières. Et ben nous, ça faisait vibrer les tables et les machines et même les comédiens, puisque parfois on les mettait sur les bras des comédiens et ça faisait ça. Simon, ça se commande en ligne, hein, t'inquiète pas. Voilà. Et donc il y avait un mélange entre des effets spéciaux plateau et des effets visuels numériques. Et donc tout ce qui était effets spéciaux plateau aidait énormément les comédiens. Autre exemple, quand ils vibrent les ados et que leur corps vibre en entier, c'est tout simplement parce qu'on les faisait monter sur des plaques décathlon vibratoires qui servent à faire des squats et des trucs comme ça. Et ben là, on les mettait à fond et puis ils tremblaient comme ça. Voilà. Alors ça se commande en ligne, mais ça coûte un peu cher. Je viens de vérifier. Question. Travailler avec des chats aussi, c'est difficile. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Moi, personnellement, je me suis bidonnée et ça faisait vraiment du bien. Justement, pour rebondir avec le trio d'ados, acteurs, enfin jeunes adultes, qui jouent les ados, j'avais une question sur pourquoi est-ce que vous avez choisi des personnages adolescents? Comment vous avez écrit les dialogues pour qu'ils nous véhiculent le fait qu'ils croient à ce point-là à la créature? Et comment ça se dirige au groupe? Ouais, bah, depuis le tout début de l'écriture de Kima, j'avais envie que ce soit une histoire d'adolescents, j'avais envie que ce soit une histoire de personnes qui sont pas encore à l'âge adulte et qui sont entre le moment où ils quittent le monde de l'imaginaire et le moment où ils arrivent dans le monde des responsabilités, et qui donc sont à la fois habités par un sens du devoir et de la morale, et en même temps par un désir de croire encore en le surnaturel. Donc ça, c'est un désir, c'est aussi l'âge où moi j'ai découvert la science-fiction, et donc c'est là où mon imaginaire s'est formé. Voilà, et donc ton autre question, c'était comment on travaille avec des comédiens, je crois. Ce sont des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont beau avoir 16 ans pour Jules Lefebvre et Lucie Lost, et 20 ans pour Mamadou Haïdara, en fait ils sont déjà très expérimentés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tourné des longs-métrages, des séries, des unitaires pour la télé, donc ce sont des professionnels, donc ils savent ce que c'est qu'un plateau, ils savent ce que c'est qu'une marque au sol, ils savent comment se placer, ils savent ce que c'est que répéter les scènes. Voilà. Donc c'était agréable de bosser avec eux. Moi, j'ai une question supplémentaire. C'est cet univers-là de l'adolescence que tu viens de décrire. C'est vraiment l'univers que tu travailles depuis tes deux premiers courts-métrages. Donc, est-ce que le fait de l'avoir amené au long-métrage, c'est-à-dire que tu veux continuer à explorer ces types d'univers adolescents, ou est-ce que maintenant tu te dis que c'est arrivé à sa forme princeps et que tu vas passer à autre chose ? Eh bien, oui, je pense que je suis arrivé au bout d'un mouvement, et maintenant j'ai envie de raconter des histoires avec des adultes. Et avec Émilie, on écrit deux projets de long-métrage de science-fiction qui sont maintenant des histoires avec des adultes. Donc, c'est le Kima, c'est vraiment la fin d'un chapitre, je dirais, créatif. Émilie ? Oui, avec un petit quand même sur le troisième qui s'appelle En mille, où l'héroïne a 15 ans. Mais la particularité du film, c'est qu'il se passe en l'an 1000, justement. Donc, au Moyen-Âge, l'héroïne, en fait, à 15 ans, bah, c'est une jeune moniale. Et à 15 ans, bah, on était déjà adulte. Et en tout cas, on l'avait pu considérer comme une enfant, quoi. Donc, ce qu'elle vit, effectivement, c'est ça ne relève pas de l'adolescence aujourd'hui, quoi, mais plus un âge adulte lointain. Voilà. Et l'histoire de ce film, d'ailleurs, pour juste le pitcher, c'est que c'est une jeune nonne de 15 ans qui, dans les marais autour de son couvent, rencontre un extraterrestre. C'est de la SF historique, financée, je crois, par le Puy du Fou et... ouais, pour écrire la véritable histoire, puisque à partir de cet extraterrestre, sont les reptiliens dont on sait qu'ils nous dirigent aujourd'hui, et qu'ils ont créé les vaccins pour les vacuter. Ce sera la première version. Nicolas vous a spoilé la dernière version du scénario, mais... J'aime Dark avec un gloumout, désolé. J'aime Dark avec un gloumout. Avec un gloumout de l'espace. Une dernière. Ah, il y a deux questions, et puis ensuite, on va vous libérer. Merci pour le film. Et je pense qu'il y a une référence qui n'a pas été citée. Moi, j'ai pensé immédiatement au géant de fer de Brad Bird, également. Et j'ai trouvé un nom pour poser ma question. J'ai l'impression que dans le géant de fer, c'est cette. Robot géant qu'on doit cacher, et je veux vous entendre plutôt peut-être sur. C'est l'impression d'une créature, là, la différence c'est qu'on doit la trouver au contraire, mais je veux vous entendre là-dessus. J'adore Le Géant de Fer, je trouve que c'est un film sublime et très mésestimé, enfin en tout cas pas assez connu. Voyez-le pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment super. Et en effet, oui, il y a des ponts, parce que Le Géant de Fer lui-même en fait. Rend hommage à un certain cinéma qui veut filmer le lien dissemblable comme on parlait, comme dans les années 80. Alors, par contre, pour faire une comparaison avec entre le géant et la Kima, oui, il y a l'idée que... En fait, ce que le film raconte, c'est que Tony, cet adolescent, il est passionné par les animaux, mais il a, d'une certaine manière, besoin de croire qu'ils sont blessés ou qu'ils ont besoin d'être guéris. Là où peut-être ils ne le sont pas. Et le chemin du film, c'est aussi pour lui d'apprendre à libérer les animaux qui n'ont pas forcément besoin de lui, qui n'ont pas forcément besoin d'être guéris. C'est apprendre à ne pas aider les animaux et les créatures malgré elles. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà où se jouerait la différence entre le géant de fer et Kima, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de la puissance, c'est-à-dire que le géant de fer, par sa taille, par sa force, une capacité destructrice qui peut être mise en question par rapport à la Kima. Effectivement, à la base, c'est censé être une arme vivante, un peu comme le géant, à ce à quoi le géant était destiné. Donc oui, on voit bien la comparaison. Après, pour une référence qu'on a eue à l'écriture, c'est Cro-Blanc. Dans Cro-Blanc, vous connaissez toute l'histoire, en fait, c'est un loup qui est blessé, qui est apprivoisé, et du coup, son nouveau maître, en fait, crée un lien unique avec lui, tout en sachant que c'est un loup, et il est destiné à la base à retourner dans son environnement. Donc ça, pour le coup, c'était une de nos références, quoi. Dernière question. Déjà, merci pour le film. Alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait comment Kima en fait est vraiment présenté comme un, enfin c'est pas un animal mais comme une créature sauvage, quoi. Enfin, on sent que même si elle a une certaine forme d'intelligence, de sensibilité en fait, elle n'est pas destinée à être domestiquée, quoi. Elle a un comportement sauvage, même vous l'appelez Lakima, genre c'est même pas son prénom, et dans le film aussi. Donc en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce truc de montrer que c'est un élément de la nature qui n'est pas destiné à être à côtoyer les humains sur une longue durée, quoi. Oui, bah, c'était un temps cool, merci beaucoup pour ce retour. C'était un des désirs depuis le début du projet de présenter la créature comme un dragon ou un tigre, c'est-à-dire que c'est pas fondamentalement un être vivant mauvais, mais c'est un être vivant sauvage, donc il a besoin de se nourrir, il a besoin de se défendre, et c'était ça aussi un des défis du projet, c'était d'en faire une vraie créature sauvage et dangereuse en fait, mais dangereuse parce qu'elle est sauvage, pas parce qu'elle est méchante. Il y a un imprévisible aussi, c'est-à-dire que voilà, elle n'agit pas forcément là où on attend, quoi. Parfois on s'attend à ce qu'elle fasse ça, elle le fait, et inversement parfois c'est, par exemple, elle s'enfuit à un moment du film. Elle a la capacité aussi d'investir le corps des gens en contrôlant pas forcément sa force. Ça, tout ça, c'était quelque chose qu'on avait envie d'explorer aussi, en lui donnant vraiment une dangerosité qui n'y a pas au fur et à mesure du film, parce qu'au début elle est très faible, mais au fur et à mesure que tout le monde donne du verre, qu'il la nourrit, qu'il s'en occupe, en fait, elle devient de plus en plus puissante. Merci. Et puis, on a eu aussi une masterclass Écrire l'horreur, donc, qui était menée de maître par deux spécialistes, que sont Jean-Baptiste Del Almo et Nicolas Martin, un des coprogrammateurs du festival, qui sont tous deux auteurs, scénaristes et réalisateurs, qui ont discuté à fait mur rompu, comme il le dit si bien, des mécaniques d'écriture, de l'horreur en littérature et de leur transposition à l'écran. On a eu aussi droit à une nuit maléfique. Hein. Tous les ans, on a le droit à la nuit maléfique. Alors là, on a eu le droit au film court-métrage The Lovers, un film suédois. Ensuite, on a eu un choix d'Alexandre Aja qui est Chromosome 3, donc de 79, le film de David Cronenberg, où on a un psychiatre qui s'appelle Al Raglan, expérimenté en thérapie radicale qui matérialise les troubles psychiques sous forme physique. Donc, comme d'habitude, du Cronenberg, mêlant toujours la médecine, la chirurgie et puis l'hémoglobine. Donc, c'était un moment attendu du festival. Ensuite, on a eu Anthrax Gender Revolt, un film court-métrage canadien. Et puis, bien un classique de Lewis Teague, c'était L'Incroyable Alligator, un film de 82, où un crocodile géant grandit dans les égouts de Chicago, va se nourrir de déchets provenant des laboratoires. Et bien sûr, il décide de remonter à la surface. Et vous imaginez le carnage. Et puis, on n'en avait pas parlé, j'ai préféré le garder pour la fin, la cerise sur le gâteau. Eh bien, il y avait des jurys, et qui dit jury, des grands prix et des prix. Donc, le prix du jury jeune a été A Good Boy, dont on a parlé, le film avec ce fameux chien qui voit tous ces phénomènes paranormaux. Ensuite, le prix du public a été attribué à l'unanimité et sans problème pour Neon People. Voilà pourquoi tout à l'heure que je vous disais, et on en a discuté avec Mathias Averti qui me disait « Oh oui, un documentaire », puisqu'on a eu cet entretien et avant les résultats, bien qu'un documentaire pouvait être Grand Prix du festival, preuve. Et comme je lui avais dit, pourquoi pas ton prochain film, même si c'est un documentaire, pourquoi pas le présenter. Tu vois que tu peux être cette fois-ci en compétition et avoir le prix. Et c'est ce qui s'est passé, puisque, comme je dis, à l'unanimité, Neon People, ce film documentaire vraiment poignant a touché tout le public et le jury. Puisqu'il a eu le prix du public et le grand prix du jury. Donc, c'est-à-dire, là, c'est vraiment un strike. Hein. Ils ont tout dégommé sur leur passage. Et on a eu la chance d'avoir, pas en direct, mais enregistré, la réaction du réalisateur. Donc, toujours sympa d'avoir, puisque je pense que ce sera sûrement pas le dernier prix qu'il va avoir. Et un petit peu comme The Substance, je pense qu'on sera très content d'avoir vu ce film. Romain, par exemple, le directeur des studios, l'a trouvé excellent et pense le reprogrammer, puisqu'il l'avait vu avant, et il pense pouvoir le reprogrammer au cinéma studio. Et puis, il y a eu le prix de la sorcière. Donc, c'est un prix d'encouragement et qui va très bien avec ce festival d'imaginaire. Eh bien, c'est le film un petit peu poétique Planète. Donc, ce dessin animé d'animation qui est assez bien fait. Moi, j'ai trouvé... Au départ, on se demande où on va en venir parce que des petites fleurs de pissenlit qui volent, bon, et, mais en fait, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la vie, de la mort, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Film très écologique, on pourrait dire. C'est vraiment un film qui a marqué pas mal de spectateurs. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait le festival du court-métrage. Eh bien, c'est Mort d'un acteur avec Philippe Rebaud qui a obtenu ce prix du court-métrage. Il y avait d'autres courts-métrages vraiment sympathiques, mais celui-là, moi, j'avoue que j'ai éclaté de rire. C'est pratiquement le plus gros moment d'humour du festival, ce film, parce qu'après avoir vu des films plus sérieux, plus engagés, plus sanguinolents, là, on était vraiment plutôt dans le festival de l'imaginaire et puis un peu de douceur dans ce monde de brut, comme on avait pu avoir l'année dernière un petit peu avec Primitif dans un autre style. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de ce festival Mauvais Tour, deuxième édition et deuxième partie. Comme vous avez pu le voir, il y avait encore plein de choses à dire. J'espère que la troisième édition, on en aura encore plein les yeux. Et puis aussi avec des interviews qu'on pourra partager avec vous, les auditeurs de Radioactive, mais aussi avec tous ces festivaliers et toute cette équipe vraiment bénévole, sympathique, qui a permis aussi la ville de Tours qui accueille ce festival. Faut préciser, hein, c'est pas dans toutes les grandes villes de France qu'on peut avoir un festival qui est appuyé par les municipalités. Et puis, un grand merci vraiment à eux, puis de nous avoir vraiment accueillis à bras ouverts. Et c'est avec plaisir qu'on retournera l'année prochaine pour une troisième édition. Et puis, comme nous avons un petit peu bousculé un petit peu les choses pour ce cinéphage, puisque vous n'avez pas eu nos fameux coups de cœur qu'on a d'habitude, mais là, on a eu des coups de cœur, mais c'est un petit peu différent. On n'a pas eu les événements et puis les avant-premières qui ont lieu dans notre bonne ville de Tours, chez nos partenaires, les cinémas CGR Centre de Tours et les cinémas studios qui accueillaient le festival Mauvais Tour, eh bien, je vous propose d'aller sur leurs sites respectifs pour voir tous les horaires, les programmes et les sorties qu'il y aura. Bon, et si vous êtes un petit peu fatigué et vous n'avez pas envie, ben vous pouvez réécouter un podcast sur www.radioactivefm.fr lors du spécial Halloween où on parlait avec Alexandre Aja. Vous pourrez voir un petit peu les événements qui se situent jusqu'à décembre, ce qu'on avait un petit peu parlé. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous retrouver pour notre émission Cérivore, en alternance avec Cinéphage, que nous animons conjointement avec Vincent, qui est à la technique aujourd'hui. Et puis, si vous voulez être, bien sûr, l'invité de Cinéphage, eh bien, ça sera avec plaisir. Il suffit juste de contacter Radioactive et ils vous dirigeront vers moi. Et là, on décidera d'une date, d'un thème pour parler cinéma. Et puis, eh bien, n'hésitez pas, si vous aimez n'importe quel genre de film, puisque l'émission s'appelle Cinéphage, donc on était vraiment dans notre élément au festival Mauvais Tour, parce qu'on mange de tout ici. Et en attendant de se retrouver, eh bien, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.